suis malade. Vraiment malade. Comme quand j'avais plus de mouchoirs et que je restais seul avec mon désespoir. Je suis malade. Je suis malade. Je suis malade. Je suis malade. Je suis malade. Je suis malade. Je suis malade.